Vous voici conviés au cours du Collège de France. Quel est le rapport de l'homme avec la nature? Alors que la COP22 réunit décideurs et acteurs du développement durable et que la biodiversité est entrée dans une phase d'érosion beaucoup trop forte, nous vous proposons de retrouver cette semaine le biologiste Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, pour sa série intitulée « La biodiversité, son évolution et ses croisements avec l'humanité ». Cette série a été diffusée dans le cadre de l'Éloge du savoir de Christine Goémé en 2014. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé. Bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. On devrait construire les villes à la campagne, car l'air y est plus pur, disait Alphonse Allais. Gilles Boeuf, titulaire en 2013-2014 de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société au Collège de France, soutient, lui, la tendance actuelle et bénéfique de construire des campagnes dans les villes, afin que l'air, en effet, y soit plus pur. Gilles Boeuf fait dans cette série de cours d'inquiétants constats et de tristes inventaires. Le vivant est aujourd'hui menacé par la cupidité prédatrice qu'elle engendre chez l'homo, soi-disant sapiens. Dans la leçon que nous avons entendue hier, il constatait l'extension rapide des villes depuis 2007. Le monde entier est devenu urbain sur tous les continents, et les villes deviennent de plus en plus de gigantesques mégapoles où s'entassent des pauvres venus des campagnes. Or, cette situation va développer la misère et les maladies et accélérer les processus qui provoqueront à court terme notre disparition. Rien qu'en France, disparaît tous les ans l'équivalent de la surface rurale d'un département à des fins d'urbanisation. Du coup, certaines villes ont mis en place d'excellentes initiatives. À Paris, par exemple, des mesures ont été prises, tout gouvernement confondu, afin de permettre que se crée une biodiversité qui ne demande qu'à s'épanouir. Les Parisiens ont heureusement soif d'espaces verts et de jardins sur les toits, ce qui a permis de faire revenir des oiseaux qui avaient disparu. Mais la destruction de la biodiversité dans le monde a un impact sanitaire catastrophique et démultiplie les risques de maladies. Nombre de champignons et virus meurtriers sont liés à la perte de la diversité biologique. Ce soir, Gilles Boeuf reprend la question « Quelle relation entre espèces et biodiversité ?» Écoutez. Alors, pourquoi protéger la diversité biologique ? Toujours l'idée, c'est, vous savez, les types qui défendent la diversité biologique, moi le premier, on me dit, vous chassez les petits papillons bleus à points jaunes, vous aimez les oiseaux avec des pattes blanches. Vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je pense que je vous ai convaincu dans les six séances antérieures, hein, que cette diversité, c'est bien autre chose que de scruter la nature et de l'aimer parce qu'elle est belle. C'est plein. De toute façon, il y a des espèces dans la nature qui sont hyper moches. Hein. L'autre jour, notre ami Gouillon, au muséum, faisait une conférence pour la conférence des présidents d'université. Il lui montrait une image où il avait pris les espèces les plus moches qu'il a pu trouver. Alors, j'aurais pu la retrouver, hein. Le ouakari chauve, des trucs incroyables. Ils sont là, ils jouent le rôle dans la diversité biologique, et l'appréciation d'être beau ou moche, hein, elle est totalement subjective, bien sûr, hein, liée aux yeux d'Homo sapiens qui adore les beaux cils avec les beaux yeux bleus. Ah, ça plaît, effectivement. Hein. Alors, les espèces qui tombent dans ces canons-là, elles sont bien vues, pas les autres. Vous verrez que c'est beaucoup plus subtil que ceci, bien entendu. Donc, la valeur économique, bien sûr, Alors, c'est pas celle que je préfère, c'est pas celle que je mets en avant. La première, c'est elle est éthique, elle est évidente. Nous ne pouvons pas nous en passer, je vous l'ai souvent dit, parce que nous sommes, chaque corps humain, une ode à la diversité biologique. Alors, les raisons économiques, simplement, c'est que 40% de tous les échanges financiers sur la planète concernent le vivant. Donc, à 40%, c'est quand même pas négligeable, bien entendu. Donc, c'est les diversités agro-silvo-pastorales, c'est les molécules qu'on va tirer, effectivement, de la diversité biologique, en pharmacologie, en cosmétique, tout ce que vous voulez, les modèles pour la recherche, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, toutes les biotechnologies, toutes ces ressources, avec une mentalité vraiment à changer. Arrêtons de prendre la planète pour un jardin dans lequel on fait son marché. Il faut qu'on change nos relations par rapport à cette nature. On n'est pas là pour avoir des trucs qui ont été produits. Alors, tant qu'on était quelques-uns, ça tournait. Je vous disais, à Totavel, il y a 700 000 ans, quand les Erectus, dans cette vallée des Corbières, ne font que chasser et cueillir, c'est même pas encore pêché. Ça tient parce qu'on est 20, on est 20 maximum à chaque fois. Quand on a commencé à s'arrêter à produire, on a vu en agriculture et puis effectivement aussi bien sûr en culture, et puis en élevage, tout va changer. On va se multiplier, les femmes vont se mettre à faire beaucoup de bébés. On a vu ça avait commencé un petit peu avant qu'on commence à s'arrêter pour agriculture et élevage. Et c'est parti. 7 milliards, 700 millions à la Révolution française, 7 milliards aujourd'hui. On a multiplié par 10 le nombre d'humains sur la planète sur quelques siècles. Et ça, il faut y songer en permanence. Quand vous regardez aujourd'hui cette planète, effectivement, on est en train de travailler là-dessus avec le CIRAD en ce moment, et puis l'INRA, peut-on alimenter 9 milliards d'humains? Probablement oui. Le problème, c'est que quand il faut alimenter 9 milliards d'humains et alimenter 4 milliards de voitures, c'est ce qu'on va avoir en agrocarburant, et continuer après à faire des tas de produits qui sont pas mangeables, mais qui sont utilisables, ça, on se pose vraiment la question. Dans un système total de climat qui change et qui va complètement changer les rendements agricoles. Donc on se tourne vers cette agro-diversité, et puis cette agriculture écologique dont on parle beaucoup en ce moment, dont je vous avais parlé il y a quelques séances. Le rôle fondamental dans les grands équilibres, je dis souvent, Sumatra, 2004, tsunami géant, déclenché par des failles qui ont bougé dans l'océan Indien, les vagues géantes arrivent sur les rivages de Sumatra, elles vont toucher après la Thaïlande, toute l'Asie du Sud-Est, y compris l'Inde. Le récif corallien va jouer un rôle incroyable, il fait 300 000 morts. Sans le récif corallien, ça aurait été 3 millions de morts sur Sumatra. Les vagues géantes vont être brisées, vont être fracassées sur ce récif corallien, qui va en pâtir beaucoup, mais qui va remarquablement protéger les humains qui vivaient derrière. On a plein d'exemples comme ça. Et ils sont absolument indispensables, bien sûr, ces systèmes, dans l'harmonie globale du système, et les relations, je vous avais dit, entre la biogéochimie, la biologie, la chimie et la géologie, sont fondamentales. La biodiversité augmente la productivité. On montre maintenant que les polycultures sont beaucoup plus productrices que la monoculture d'une espèce de façon intensive dans un milieu. Posez beaucoup plus quand vous avez beaucoup d'espèces dans un écosystème. La question qui est posée aujourd'hui, puisqu'on abîme ces écosystèmes, parce qu'on enlève les espèces, comment vont tourner les écosystèmes avec beaucoup moins d'espèces? C'est une vraie question qui est posée aux écologues et qui n'est pas du tout facile, bien sûr, à résoudre. Aspect suivant, prolifération. Les alien invasive species, je vous dis des espèces invasives qui sont exotiques par rapport aux celles qui sont envahissantes, qui étaient déjà là et qui se mettent à proliférer pour des raisons liées aux activités humaines. Là, vous avez quelque chose qui est très clair où plus votre système est dense et en espèces riches, plus il interdit aux invasives d'arriver. Dès que vous commencez à fragiliser le système, on a plein de cas, bien sûr, où vous voyez les invasives qui s'installent. Et ils arrivent sans leurs prédateurs, sans leurs parasites, et là, ils créent des problèmes. Aujourd'hui, le seul coût de tentative d'arrachage, je vous ai dit, il y a 300 000 plantes sur la Terre, 300 nous posent des problèmes. Eh bien, on les arrache. Par exemple, les jacinthes d'eau pour remonter le Mississippi. Le lac Tchad, c'est 80% de sa surface, c'est la jacinthe d'eau aujourd'hui. Ça coûte 500 milliards de dollars par an. Et ça ne sera pas grand-chose. Donc, il aurait bien mieux valu ne pas les amener, bien sûr. Comment on fait aujourd'hui? Quelle prédation on installe? Quelle lutte biologique on installe pour qu'on puisse s'en débarrasser? La gestion raisonnée des ressources, ça, c'est fondamental. Pour ce développement dit durable, les pêches, peut-on faire des pêches durables? Certainement oui, mais ça, il faut y travailler pour le faire. Aquaculture durable, probablement. Un écotourisme est bien géré. Simplement, dans l'écotourisme, il ne faut pas oublier non plus quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le coût d'accès à la ressource. Quand vous allez au Costa Rica, quand vous allez au Pérou, ça a coûté combien en transport aérien pour vous emmener jusque-là? Donc tout ça, il faut se poser des questions là-dessus. Les Péruviens avaient travaillé là-dessus avec la FAO. Ils montraient qu'enlever un hectare de forêt tropicale amazonienne, ça rapportait à peu près 1 000 dollars sur un coup, alors que le tourisme chaque année rapportait 400. Mais ça se renouvelait chaque année, donc c'était plus intéressant de garder nos arbres et d'inviter des gens dans des conditions mesurées. L'île de Pâques, j'ai eu l'occasion de faire un article là-dessus récemment dans la revue Espèces. L'île de Pâques revit ce qui s'est passé il y a 3-4 siècles. On avait dit en 99, quand j'y ai séjourné un bout de temps avec les autorités locales, 6 000 à 7 000 visiteurs par an. Ce qu'on avait calculé, on ne pouvait pas dépasser ça. 70 000 début 2013. Elle collapse. Elle devient une gigantesque poubelle. Et la prochaine poubelle où vous pouvez larguer vos déchets, elle est où? Elle est à 4000 km à Valparaíso, sur les côtes du Chili ou du Pérou, ou vers les îles de l'Océanie. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir le courage de mesurer l'accès, bien sûr. Hein. De toute façon, vous savez comment ça se passe. Hein. Et c'est toujours le dilemme des conservateurs de réserves naturelles. Vous avez envie de la faire connaître, parce que vous voulez qu'on vous aide à la protéger, mais vous devez limiter l'accès. Sinon, un jour, elle devient tellement en mauvais état qu'elle n'est plus attractive. Et vous perdez tout l'intérêt qui a fait qu'à l'époque, vous décidez de faire là une réserve naturelle. Et ce compromis est très subtil. Moi qui m'occupe d'une réserve, ça s'appelle la réserve naturelle de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, je fais tout pour que les gens n'y viennent pas. Il faut marcher une heure à pied, ça se mérite. Et là, ça va, une heure à pied, je suis tranquille, il n'y aura pas trop de surfréquentation. Et par contre, on fait beaucoup de conférences dans les écoles, on va partout, bien sûr, en permanence. Et je me suis une fois accroché sérieusement avec le maire qui avait fait une route pour aller jusqu'en haut. Je ne voulais pas de route. Dès qu'on fait une route, tous les types qui viennent passer leurs vacances à Argelès en mois d'août, hop, ils vont faire un tour à la Massane, on regarde et on repart. C'est pas ça. Vous voyez qu'on doit mériter ces aspects particuliers, et ça, il faut effectivement participer à quelque chose. Enfin, l'aspect éthique, on l'oublie souvent, ben l'éthique, oui. Pourquoi accepterions-nous, nous, en 2 siècles, de faire disparaître la moitié des espèces vivantes? C'est une vraie question qui nous est posée en permanence, en dehors du fait que ça serve à quelque chose ou pas. J'avais terminé ma leçon inaugurale avec un cri un peu d'alarme en disant « Arrêtons, hein, le monde politique, de vouloir conserver ce qui sert à quelque chose. » Pour des raisons, ça ne marche pas. Un, je ne sais pas demain ce qui va être fondamental pour la survie de l'humanité. Peut-être un petit coléoptère, un petit minable qui est là et qui va me sortir une fabuleuse molécule antitumorale, par exemple. Donc je ne sais pas. Donc je ne l'écrase pas aujourd'hui, je le garde pour demain. Hein. Et puis, bien sûr aussi, l'humain adore faire des choses qui ne servent à rien. Réfléchissez tous les jours ce que vous faites. Vous y prenez un bonheur et un plaisir fou, ça ne sert absolument à rien. Et c'est vital pour Homo sapiens, qui est très différent justement des autres. Et enfin, on va le voir tout à l'heure, c'est l'aspect de la conservation in situ ou ex situ. C'est une vraie question. J'étais en Ouganda en l'été 2012, dans les Virunga, donc à la frontière du Congo, pour voir les derniers 800 individus de gorilles de montagne qui restent là. Il n'y en a plus ailleurs, nulle part, ils sont partis. C'est la guerre partout au Congo. Avec les gens massivement qui passent du Congo en Ouganda. Le Rwanda s'est déchiré il n'y a pas très longtemps. Que vont devenir nos gorilles? On vient d'obtenir in extremis le fait qu'il n'y aura pas de permis de forage de pétrole dans les Virunga. C'était de haute lutte, hein, je peux vous croire. Croyez-moi, et puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce qu'un jour, ils iront chercher le pétrole, la dernière goutte de pétrole, là où elle sera, y compris en Antarctique, bien entendu. Donc on est sur des choses qui sont très compliquées, bien sûr. Et puis, ben, dans ces forêts particulières, qu'est-ce qu'on fait de ces gorilles de montagne si on se rend compte qu'on n'arrive pas à les sauver là, parce que les Virunga rétrécissent tous les jours à la forêt? Et ben, est-ce qu'ils seront d'accord qu'on les ramène dans le Larzac pour les sauver, les gorilles de montagne? J'en suis pas sûr. Hein. Donc tout ça, c'est des questions qui sont vraiment posées. Et on ne peut pas non plus se mettre à faire des réserves avec garder militairement sans se préoccuper du développement des Africains qui sont autour de ces endroits-là. Ça n'a pas de sens. Donc des vraies questions posées en permanence. On sauve sur le site, en faisant des réserves, où elle se situe en emmenant ces espèces ailleurs. C'est le cas des zoos, des réserves où les animaux sont transplantés. Ce n'est pas la panacée. Il y a des espèces qu'on a sauvées comme ça. Le cheval de Przewalski, s'il n'y avait pas eu des réserves effectivement européennes, eh ben, il serait pas là. Le beau cheval qui est peint sur la grotte Chauvet ou sur la grotte de Lascaux. Alors, tout ça était parti d'un travail que je vous avais montré à la leçon inaugurale, puis lors d'une conférence antérieure aussi. C'est ce schéma que j'aime beaucoup entre la démographie humaine, les productions de CO2, hein, pour montrer, elles sont totalement liées à la démographie. Et puis, les pêches, qui sont un bel exemple, justement, de surexploitation très, très typée, très claire. Hein. On peut sauver les pêches, mais on ne fait rien pour l'instant. Hein. Donc, les pêches, on ne pêchait pas grand-chose dans les années 50, à part les baleines qui avaient déjà disparu. Et entre 90 et aujourd'hui, malgré des efforts de plus en plus importants, en moyens de détection des stocks et de capture, on ne pêche pas plus, pas un poisson de plus. Ça veut dire que, et vous savez, mon combat contre les pêches profondes, pour l'instant, on n'a pas gagné. Hein. On continue à permettre de perdre des pêches. Simplement, Intermarché a réagi récemment en disant « Je n'achète plus un poisson pêché au-delà de 800 mètres. J'aurais préféré 400. » Mais peut-être qu'on va réussir à réguler une ressource qui n'en est pas une. C'est simplement le problème. Je ne suis pas du tout contre la pêche. Je suis contre des pêches qui n'ont aucun sens, qui est une fuite en avant en permanence. Comme on a tout enlevé sur une zone qui est côtière, on va aller plus loin. Puis un jour, il n'y aura pas de plus profond. Il n'y aura pas de plus loin. Quand on s'est rendu au bout de la planète, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas prêt encore d'en changer pour l'instant. Hein? Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on accepte à la partager, hein, à travailler dessus tous ensemble dans un bien-être. C'est expliquer à nos concitoyens qu'on peut très bien vivre beaucoup mieux en consommant moins. Tout est là, en fait. C'est ça, en fait, qu'il va falloir vers quoi on bascule dans les années qui viennent. Et très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors ici, vous montrez sur ce schéma les progressions technologiques de l'humanité en relation avec la courbe de population. Hein. On était parti de la domestication, de la roue, on a vu des moulins, la poudre noire, on avait fini par les ordinateurs et par les antibiotiques. Tout ça pour comparer, justement, ce que Malthus avait dit à une époque où il disait, en fait, il avait déjà dit, la planète est finie, on surexploite trop, ça va s'arrêter. Malthus n'a pas eu raison dans les termes de temps qui ont été étudiés après ce qu'il avait dit, mais c'est en train de se passer aujourd'hui. Et Darwin qui dit, lui, bien sûr, il faut qu'on arrive en permanence à s'adapter et subir les lois de la sélection naturelle qui font que le plus apte à survivre, survit. Et sans arrêt, les activités humaines contribuent à changer cela, bien sûr, en permanence. Et ça, c'est très important pour nous de bien comprendre comment les trajectoires des civilisations, je vous renvoie à Jared Diamond aussi, hein, se feront en relation avec ces compréhensions de ces mécanismes-là. Alors, papiers récents qui sont malheureusement assez inquiétants. En 2010, quand on fait le bilan des 10 années de travail entre 2002 Johannesburg et 2012 Rio, on se rend compte que finalement, cette biodiversité sur différents critères très variés, hein, de mammifères, d'oiseaux, d'invertébrés, de forêts, de mangroves, eh bien, elle s'en va partout. Les pressions dessus sont constamment en augmentation et les bénéfices que l'humain tire de cette diversité biologique, ils sont en diminution. Donc ça veut dire que là, on est sur quelque chose, et les réponses sont effectivement inquiétantes. On montre que, encore une fois, le vivant a une fabuleuse capacité de réaction. Moi, j'ai très confiance quand on parlait des oursins lors du Permien Trias, où on va repasser de deux espèces à aujourd'hui 700 espèces d'oursins actuelles. Mais jusqu'à un certain point. Et souvent, je dis souvent, l'humain n'est pas forcément responsable de tout. Mais souvent, il amène la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si on ne change pas nos modes de vie, on va dans une échéance très rapide, moins de 3 siècles, on va arriver à la disparition des 3/4 des espèces qui correspondent à la définition des grandes crises d'extinction telles que les avaient définies les paléontologues et les géologues dans les années écoulées. Alors, ces travaux sont publiés pour Rio. On avait demandé dans Nature, Rio avait demandé, écoutez, quelques grands penseurs mondiaux sur ces questions-là, donnez-nous des papiers Princeps. Alors, comment on fait ces papiers-là? Ça se fait de plus en plus maintenant. En fait, on appelle ça le sésame en France. On réunit des gens. Top, hein, un Américain, un Chinois, un Anglais, un Australien, un Français. On les met ensemble pendant 1 semaine à 10 jours sur un lieu précis. On leur donne à manger quand même, hein, en général c'est assez bien. On leur donne un petit peu à boire aussi. Et on leur donne des moyens de réfléchir, de penser avec de grands accès à des moyens informatiques. Et ils ont pour charge en 10 jours de sortir un état de la planète sur quelque chose, sur les pêches. On a eu de très très beaux papiers comme ça. On a sorti un travail sur la démographie en relation avec les révolutions technologiques. Ici, sur les pensées du développement agricole, donc depuis 3 siècles, eh bien, on est arrivé maintenant, pratiquement, on cultive la moitié de ce qui est possible sur la planète. Est-ce que la Terre, demain, doit être un gigantesque agro-système? Ou alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Revenir en arrière? Mais ça, on l'a jamais fait, on sait pas faire. Hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que on va pas susciter une diminution des surfaces agricoles, mais pas faire plus, ne pas en produire plus. Et on avait posé la question, en fait, comment produire plus, puisqu'on passe de 7 à 9 milliards, mieux, de meilleure qualité, sans empoisonner les gens, sans gaspiller l'eau, sans détruire la biodiversité, hein, et sans mettre des poisons sur les champs, et en respectant la biodiversité. C'est un merveilleux sujet de recherche fondamentale. Et je préside aussi le conseil scientifique du CIRAD, où on repose tout ça avec le monde gigantesque des petites agricultures familiales, hein, qui sont la plus grande proportion, bien sûr, d'abord de fourniture d'emploi aux humains qui sont agriculteurs, deuxièmement de production dans des conditions qui sont différentes. Et on se rend compte que, par contre, il ne faudrait pas tomber dans l'aspect angélique que petite agriculture familiale, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas vrai. On peut des fois utiliser plus d'intrants, on peut des fois aussi plus détruire la biodiversité. Tout ça, c'est à reprendre de façon bien intéressante. Revenir à une agroécologie, hein, très différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, il nous montre une relation entre la pauvreté, les impacts du changement climatique et les impacts des pertes de biodiversité, c'est très lié. Hein. Qui trinque en premier, c'est toujours les gens à la périphérie des villes, les femmes, je vous le disais aussi. Hein. Donc on est sur quelque chose que... Et c'est Rocard qui disait ça à un moment, il disait « On va revenir à la barbarie si on ne tient pas compte des questions écologiques. » Et moi, je vais plus loin. Chaque fois que l'humain est revenu à la barbarie, ce sont les femmes qui ont trinqué, avec les enfants, bien entendu. Hein. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut qu'on se mette dans le crâne en permanence. Oui, c'est ça aussi de l'écologie. Hein. Quand on dit que l'écologie n'est pas une science, vous imaginez un peu. Alors ça nous a amené en fait à ce travail que je vous avais évoqué qui s'appelle The Millennium Ecosystem Assessment, donc demandé par les chefs d'État en 2000, publié durant l'été 2005 par près de 1400 chercheurs du monde entier qui nous fait un état mondial des écosystèmes et qui nous classe en fait les services rendus par les écosystèmes. Alors on aime ou on n'aime pas, bon, c'est assez intéressant d'y revenir, je ne pouvais pas au cours de ces 8 séances ne pas vous en parler. Qu'est-ce qu'on les classe en fait en services de bien-être et de réduction de la pauvreté, en services que procurent les écosystèmes, stratégie et intervention, et facteurs directs de changement. Et pour les services, services d'approvisionnement, la nourriture par exemple, l'eau, hein, de réglementation, le climat, les maladies culturelles, bien spirituelles, la beauté écologique, tout ce que vous voulez, et d'appui, hein, production primaire et constitution des sols. Donc sur les services rendus par les écosystèmes, comment le bien-être de l'humain est touché par ces questions effectivement d'éléments divers et variés, en sécurité, en liberté, en santé, les facteurs indirects de changement, facteurs démographiques, économiques, sociopolitiques, scientifiques, culturels et religieux, et enfin les facteurs directs de changement, qui sont les changements dans l'occupation des sols, bien sûr, l'introduction d'espèces, on en a vu tout à l'heure, l'adaptation, les apports extérieurs, les fertilisants, tout ce que vous voulez, on a vu que c'était un gros problème aujourd'hui sur les terres agricoles, le contrôle des animaux, qui gêne les humains, consommation de la récolte et des ressources, changement climatique et facteurs naturels, physiques et biologiques. Donc tout ça, c'était un espèce de cadre dans lequel on a réfléchi. Et on s'est dit, finalement, comment on va utiliser ces services rendus pour aller plus loin. Et toute une armada de gens se sont emparés, en fait, de ceci. Des économistes, des sociologues, des anthropologues, des juristes, hein, on travaille toujours là-dessus en permanence, sur ces questions particulières pour aller un peu plus loin et nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui on va vers une nouvelle approche de la protection de cette diversité biologique. Alors, comment gérer les services écologiques? C'est une vraie question. En fait, finalement, baser les interventions sur la comparaison entre bénéfices publics et privés. Et là, on va revenir sans arrêt à ça. Vous allez voir que quand on regarde en fait comment l'humanité et le droit gèrent l'ensemble des biens qui sont autour de nous, y compris les nôtres, entre le public, entre ce qui appartient à quelqu'un et ce qui est ouvert à tous et ce qui est ouvert à tous les systèmes, ou les espèces sauvages par rapport aux espèces domestiques, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment des questions de droit de l'animal, on se rend compte que si on commence à gérer ces systèmes de la même façon, on va dans le mur. Et on arrive souvent à des paradoxes, et je vois sur la forêt française, hein, les forêts gérées en privé sont en meilleur état que les forêts qui sont gérées collectivement. Pourquoi? Parce que justement, tout dépend des moyens qu'on va y mettre. Aujourd'hui, notre persuasion, c'est de convaincre nos investisseurs, effectivement, que ce sauvetage de la biodiversité est absolument indispensable et qu'on ne va pas raisonner sur une économie à bout de nez à court terme. Et ça, c'est la question qu'il faut qu'on arrive, bien sûr, à faire basculer rapidement. Choix cohérent avec l'intérêt social, prendre en compte que les décisions qu'on prend aujourd'hui qui bénéficient à la conservation pénalisent ceux qui l'exploitaient auparavant, c'est une vraie question. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, vous dire, voilà, c'est terminé, hein. Vous pouvez faire ça avant, maintenant, vous ne pouvez plus. Il faut voir comment on le règle. Il y a des choses, il faut le faire, hein, parce que sinon, on continue à aller dans le mur. D'autres moments, il faut travailler de façon, effectivement, un peu différente en biseau. Et puis, enfin, les recommandations donc, de la Convention sur la diversité biologique présupposent l'existence du système de propriété intellectuelle en face même des brevets. Ça, c'est une vraie question aussi qu'il faudra évoquer. Et ça, bien sûr, ce n'est pas le cas si les droits sont collectifs. Et ça, ce sont des questions qui sont très importantes aujourd'hui pour arriver collectivement, intellectuellement, économiquement et juridiquement à gérer ces questions qu'on se pose en ce moment. Alors, quelles sont les 7 plaies actuelles de la crise écologique? Vous les connaissez bien, on en a parlé. Le changement climatique s'accélère. Et croyez-moi, on n'en est qu'aux prémices. Ensuite, productivisme agricole, on l'a souvent évoqué aussi. Il faut le voir complètement différemment. Il faut produire plus différemment. Sans tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est jouable. Simplement, ça demande de changer les mentalités, bien sûr, des gens qui travaillaient jusqu'à présent comme ça. Pénurie d'eau potable, elle est claire, hein. Je dirais qu'avant la crise de la biodiversité, on a vraiment une crise de l'eau aujourd'hui sur cette planète. Et quand c'est que l'agriculture utilise presque 80% de l'eau, c'est pour l'agriculture. Je vous disais l'autre jour, l'humain et ses animaux domestiques utilisent plus de 50% de toute l'eau disponible de la planète. Devant toutes les autres espèces qui existent, c'est quand même considérable, bien sûr. Les ressources halieutiques s'épuisent, on en a beaucoup parlé, et ça, on peut gérer ça. On peut arrêter le massacre sur les pêches. Il faut se dépêcher. La morue ne reviendra plus, c'est terminé à Terre-Neuve. Hein. On est allé trop loin. D'autres cas, on peut effectivement changer les choses. La déforestation progresse toujours. On a vu encore des chiffres effroyables sur l'Asie du Sud-Est, hein. Sur Bornéo. L'Amazonie, ça va arrêter un moment, ça reprend. On ne doit pas justifier un seul mètre carré de forêt tropicale enlevée aujourd'hui. On continue allègrement à un niveau absolument incroyable. Le quart de la France s'en va tous les ans. La biodiversité s'effondre, et ça, on en a beaucoup parlé. Et les produits toxiques sont de plus en plus disséminés. Voilà, ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est plus les plaies d'Égypte, c'est les plaies de la planète, hein, sur lesquelles il faut qu'on se penche pour arriver effectivement à changer les systèmes. pas pour les beaux yeux des papillons à points bleus, hein, c'est pour simplement que l'humanité se retrouve dans un système aujourd'hui en harmonie avec cette nature et en bien-être par rapport à elle. Alors tout ceci, qu'est-ce qu'on sait faire? Des conférences. Et l'humain est très bon pour faire des conférences. Donc la France va faire une grande conférence en mai 2010, puisque c'est l'année mondiale dédiée à la biodiversité. À l'époque, c'était Chantal Jouanneau qui était ministre de l'écologie et de l'environnement. Et donc, elle organise à Chamonix, hein, une grande réunion. Je fais l'ouverture ce matin-là. Quelle gouvernance en France pour réussir ensemble? Des vraies questions qui sont toujours posées. La conférence du Rio va lancer la conférence sur la diversité biologique en 92. Cette Johannesburg aura le culot de dire « On s'engage, nous, Nations Unies, pour 2010, à arrêter l'érosion de la biodiversité. » Je vous en avais parlé, hein. On constate en 2010, janvier 2010, à l'UNESCO, les 25 et 26 janvier 2010, que, ben, on a tout raté. Ça n'a jamais été aussi pire que ça. Et c'est pire aujourd'hui en 2014, quand je vous parle, qu'en 2010. Paris, le président Chirac lance la conférence de Paris, où là, il va sortir une idée intéressante, c'est l'idée de IMOCEB, qui va devenir IPBES. On veut faire un équivalent du GIEC climat pour la biodiversité. Et c'est parti en janvier de l'an dernier, ceci. Conférence de l'UNESCO à Paris pour constater, justement, qu'on n'a pas réussi cette gageure d'arrêter l'érosion de la biodiversité. Et là, je vous avais dit, et là, je vois comment Homo sapiens travaille. C'est ça, sa réussite à Homo sapiens. Hein. Je ne sais plus quel neurologue disait, en fait, c'est la seule espèce vivante qui, confrontée à des conditions les plus épouvantables possibles, garde de l'espoir. Vous vous rappelez Guillaumet dans sa crevasse dans les Andes, hein, je vous avais raconté son histoire. C'est fabuleux pour lui, hein, et ça explique sa réussite. C'est un peu embêtant pour les autres espèces, qui ne sont pas les humains dans ces questions particulières, là, bien sûr. Hein. Et donc, on dit, bah, écoutez, c'est embêtant, évidemment. Bon, allez, 10 ans de plus, 2020, on s'engage à arrêter l'érosion de la biodiversité. Alors je vous promets qu'on va se revoir le 31 décembre 2019, hein, et on fera le bilan le 1er janvier 2020. Rio plus 20, vous allez voir, ça a été un fiasco, je vais y revenir tout de suite. Et puis la France s'y remet maintenant en disant, voilà, les conférences environnementales de septembre 2012 et septembre 2013. Je vais y revenir tout de suite. Alors Rio, le sommet de la Terre, il a quand même une importance, Rio, c'était la première fois que tout le monde se mettait d'accord pour dire ça va pas très bien. Il faut absolument, c'était pas le premier sommet de la Terre, hein, c'était le second, il y en avait un en Finlande auparavant, c'était le premier à Rio, et en 2012, on crée justement cette convention sur la diversité biologique. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On voyait toutes les réactions qui se produisaient sur la planète, on voulait conserver cette diversité pour des raisons économiques, biotechnologiques, éthiques, bien sûr, qu'on évoquait tout à l'heure, et puis on commençait aussi à manipuler beaucoup le vivant, hein. On sortait les premiers OGM, on faisait le typage moléculaire pour la première fois, on faisait les séquençages en masse les premiers. On voyait les progrès de l'écologie, de la connaissance des écosystèmes, des grands cycles biogéochimiques, et puis on voyait l'influence du climat sur le vivant, du vivant sur le climat, et on se disait, il faut qu'on arrive à éviter une nouvelle extinction en masse. Et donc, il fallait trouver ce compromis entre satisfaire les besoins actuels de l'humanité sans détruire la diversité du monde vivant. Or, l'économie actuelle est entièrement basée là-dessus, l'économie qu'on a mise en place, capitaliste non encadré, elle consiste simplement à, mais socialiste pareil, hein, elle consiste simplement à épuiser, tirer, jusqu'au jour où ça collapse. Et ce que disait Lebeau dans son très beau livre sur l'enfermement planétaire, hein, il disait en fait, le problème de l'humain, c'est que il ne sait pas s'arrêter avant d'être dans le mur. Hein. Et mes discussions ici avec vous, c'est justement qu'on fasse tout pour s'arrêter un petit peu avant, pour qu'on puisse mieux réagir en conséquence quand le choc frontal va se produire. Donc on fait cette convention qui est ratifiée par 191 pays aujourd'hui, je répète simplement, toujours à l'exclusion notable des États-Unis d'Amérique, n'ont pas signé, la Chine, l'Inde n'ont pas signé, hein, parce que bon, bah, ça les arrange pas, c'est assez fou. Alors ça, la conférence du Rio, donc j'y étais, donc moi j'avais beaucoup d'espoir, j'ai participé à plein de tables rondes, et à Rio il s'est passé des choses assez incroyables, il y a eu un forum des puissants et un forum des peuples. C'est-à-dire qu'on l'accepte dès le départ, ça crée bien sûr des conditions assez particulières. Donc le forum des puissants, il y avait les chefs d'État, mais M. Obama n'était pas venu, Mme Merkel n'était pas venue, le premier ministre italien n'était pas venu non plus. Et puis en fait, on a simplement, vous allez voir, fait que réaffirmer des choses qu'on avait dit déjà 20 ans avant ou 10 ans avant. Gardé militairement par l'armée brésilienne, parce qu'on était tout proche de favelas, d'un endroit ignoble, c'était sordide, ce qu'ils appellent le Rio Centro, qui n'est pas du tout au centre de Rio, c'est à la périphérie, au-delà de l'aéroport, c'est dans des mangroves totalement contaminées, où les odeurs sont monstrueuses, avec des moustiques partout. Et puis il y avait le Forum des Peuples, je m'étais 2h40 en bus pour aller du Forum des Puissants au Forum des Peuples pour faire mes conférences. Alors, me dites pas que ça n'a pas été voulu, hein. Et puis au Forum des Peuples, bah, c'était sympa, mais ça virait un peu à Hare Krishna, on vendait des petits machins et tout. Alors, où trouver le compromis intelligent et intéressant qui va être efficace dans tout ça, hein? C'est vraiment, donc, c'était sympa, hein, mais comment est-ce qu'on arrivait justement à mettre tout ce monde-là ensemble? C'est la vraie question qui est posée aujourd'hui. Et c'est là quand même que j'ai perdu un peu foi au monde politique pour me dire c'est la société civile, c'est nous, hein, en ce moment, hein, qui devons bien sûr réagir. Alors, Bilan pas très glorieux parce que, simplement, j'ai vu deux choses à Rio. J'ai vu la société civile prendre de l'importance. Nous, scientifiques, on a pu parler. Hein. On n'a pas du tout été éteints. On a pu s'exprimer. On n'a pas été entendus, mais on a pu dire ce qu'on pensait. Alors qu'au départ, c'était pas toujours évident. Hein. Et puis, le coût, hein, pensez le coût, 50 000 personnes. Combien ça a coûté, rien qu'un billet d'avion en empreinte écologique pour aller à Rio de Janeiro. C'était quand même pas 90% de Brésiliens. Hein. Donc, faut en tenir compte aussi. L'économie verte, on l'a... Dès le lendemain, on l'a enterré, alors qu'on en parlait depuis des mois avant. Terminé, il n'y en a plus d'économie verte, on va y revenir. On voulait mettre en place l'OME. J'avais parti à plusieurs réunions en Europe, l'Organisation mondiale de l'environnement, plus puissante que celle du commerce. Au bout de deux jours, on a dit, écoutez, pour l'instant, on met de côté, c'est trop tôt. Hein. On y reviendra plus tard. Les indices de bien-être qu'on voulait mettre en évidence, on ne les a pas abordés. On a dit, écoutez, oui, c'est un vrai sujet, parce que finalement, le PIB, c'est pas très bon. OK, on est d'accord avec vous, mais écoutez, on va se mettre d'accord dans les 10 ans qui viennent. Là, on va travailler là-dessus. Vous verrez, il y en a une dizaine d'indices aujourd'hui hein, qui courent le monde. Comment trouver un véritable indice, non pas de la seule croissance économique, qui n'est plus égale au bien-être de l'humain du tout, hein, mais un indice, effectivement, de bien-être qui augmente ou de mal-être qui diminue très fortement pour ces 7 milliards d'humains dont on parle aujourd'hui. C'est ça la vraie question. Tourisme durable, océan, on devait en parler, on n'a pratiquement pas parlé. On a complètement oublié la biodiversité, Et les financements, on n'a plus de sous. On a dit c'est trop tard, ça tombe très mal en ce moment, on n'a pas de sous, donc on oublie. Alors, tous les pays en voie de développement ont dit, mais c'est pas possible. On comptait sur des aides publiques et des aides, effectivement, internationales. Ben non, il n'y a plus d'argent pour vous donner. Donc, la crédibilité, bien sûr, était fortement entachée. Regardez, dans les conclusions de Rio, vous lisez 64 fois, nous réaffirmons, les trucs qu'on avait dit 10 ou 20 ans avant, hein. 161 fois, nous reconnaissons, nous constatons, nous insistons, nous sommes conscients, nous prenons acte. 5, nous décidons, dont 2 qui servaient à rien du tout. Et 7, nous convenons. Voilà. Conclusion de Rio avec l'argent que ça a coûté donc l'an dernier. Et autant Rio 92 avait été un très grand événement, celui-ci est extrêmement décevant. Et les conférences sur le climat, hein, on les a tous vécues, Durban, on a eu Copenhague, on a eu Durban récemment. On va avoir la grande conférence sur le climat en France l'année prochaine, décembre 2015. On va essayer de se battre. Hein. Moi, j'interviendrai sur les relations climat-biodiversité. Il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut largement sortir de ceci, être beaucoup plus ambitieux. Hein. Il y a quand même des espoirs qui restent, hein, ça c'est clair. Hein. Donc ceci, effectivement, nous a amené effectivement à dire que la communauté scientifique reconnaît qu'elle est un élément essentiel, cette biodiversité, pour la survie de l'espèce humaine. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne prend pas du tout les mesures qu'il faudrait faire parce qu'en fait, il est extrêmement urgent d'agir. On n'arrête pas de le dire, mais on ne le fait pas pratiquement dans les faits. Alors, qu'est-ce que fait la France ? On crée une conférence environnementale l'an dernier. Moi, je présidais, en plus, alors je découvre le matin comment s'appelait ma session. Je savais que c'était la biodiversité, hein. Mais je découvre que ça s'appelait « Comment faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité ?» Même arrogance toujours de la France, et c'est pas possible. Je peux pas aller comme ça avec ce texte-là. Une demi-heure avant, j'apprends que ça va s'appeler comme ça. Et on discute, effectivement, donc on discute de transition énergétique. Aujourd'hui, on oublie que cette transition n'est pas la seule. Hein. Quand on parle de transition écologique en France, on la ramène à l'énergétique. C'est pas la seule, il en faut deux. Il faut une énergétique et il faut une écologique. Donc la biodiversité, les risques sanitaires environnementaux, la fiscalité, qui est très importante, bien sûr, et enfin une gouvernance environnementale qui est fondamentale et qui sort largement, bien sûr, des frontières d'un seul pays. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre absolument très vite à bras-le-corps. Alors, bien de biodiversité, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme conclusion ? Mettre en œuvre la stratégie nationale de la biodiversité que la France avait inventée donc, quelques années auparavant, faire appliquer le code de l'environnement. Il y a plein d'endroits en France, on ferait simplement ça. On n'applique pas le code de l'environnement. Ça changerait déjà beaucoup de choses. Résoudre les questions de transversalité ministérielle, c'est une horreur en France, je ne vous raconte pas. Je m'y heurte depuis que je suis président du muséum. Alors, quand on doit prendre des décisions entre l'agriculture, la pêche, les transports, des fois c'est les mêmes, hein, mais ça change sans arrêt. L'environnement, l'intérieur, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Alors que nos questions, elles sont vraiment universelles. Hein, le saumon qui quitte l'Allier, il passe un coup sous les transports, un coup sous l'agriculture, un coup sous la mer. Il ne sait pas qui fait ça, le pauvre saumon en question. Hein. Mais ça pose des problèmes dramatiques quand on veut résoudre pratiquement les vraies questions que nous avons devant nous, bien sûr. Stopper l'artificialisation des sols, ça c'est clair. Réduire les traitements phytosanitaires, on a vu 50% après le Grenelle, on en sera très très loin. Augmenter les surfaces agricoles biologiques, on est très loin. Gérer les ressources halieutiques, on est très loin aussi. Préserver les espaces outre-mer, qui sont fantastiques. J'ai vu des maires de communes outre-mer en Calédonie pleurer. Je n'ai pas vu ça en France. À cause d'espèces invasives. En France, ils ont passé près aussi aigus. Des chats, hein, qui bouffent tout en Calédonie, qui sont échappés des villes et qui mangent des espèces qui sont endémiques, qui ne savent pas voler. On me dit, mais tu comprends, l'oiseau qui ne vole pas, c'est vraiment une espèce qui est assez con. Bah oui, mais il ne vole pas, il est venu jusque-là, on amène des chats, et puis bah, le chat, effectivement, fait disparaître l'oiseau en question, c'est comme ça. Hein. Ensuite, simplifier les instances de concertation, alors ça, j'espère qu'on y va en plein. Alors, ils nous ont proposé de créer l'Agence nationale de la biodiversité. Bon, j'attends de voir ce qui va sortir de ça. Avec des moyens, pourquoi pas? À l'époque, quand le Premier ministre a annoncé ça, on a répondu immédiatement trois choses. Un, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Vraie question, à cette agence. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi faire? Troisièmement, avec quels moyens financiers? Et là, ça y est, on est en train de la créer. Il n'y a toujours pas d'argent en 2014. On dit qu'il y en aura en 2015. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on va y mettre l'ONEMA, travaille sur les eaux douces. On n'y met pas l'ONCFS, je ne comprends pas, en cohérence. Donc c'est très compliqué. Hein. Alors, bien sûr qu'il nous faut des outils de gestion de tout cela, hein, mais lesquels? Collectivement, faisons des propositions et avançons dans le bon ordre. Alors, n'oubliez jamais que quand les écosystèmes s'appauvrissent, effectivement, hein, ces pertes de diversité, elles se font bien sûr en nombre d'espèces, ça c'est facile, mais surtout, beaucoup plus, on en avait parlé, elles se font en perte de fonction des écosystèmes. Ça, c'est beaucoup plus grave, parce que là, on perd énormément beaucoup de choses. On tue la poule aux œufs d'or. Hein. Vous avez une poule aux œufs d'or, cette nature qui est fantastique, et puis qu'elle a depuis 4 milliards d'années. Hein. Et puis, elle vous fait des œufs d'or. Et puis, un jour, ben, les œufs d'or, ben, on va les chercher. Je vais l'ouvrir, ma poule. Et c'est ce qu'on fait en permanence. Et puis, ben, une fois qu'on a ouvert la poule, ben, les ovocytes, ça ne marche plus très bien. Et puis, ben, la poule, elle fait plus d'œufs d'or. Et ça, c'est une question qui est toujours en permanence, qu'il faut sans arrêt avoir en tête. Hein. On perd, bien sûr, les services rendus par les écosystèmes en termes de ressources, hein, du bois, des poissons, tout ce que vous voulez, des arbres. On y perd, effectivement, tout ce qui concerne ce qu'on peut aller y chercher en inspiration, et puis nos capacités à modéliser ces systèmes. Et ça, tant qu'on continuera comme ça, on ne pourra pas continuer à avancer. Arrêtons de détruire notre capital, c'est tout. On a un capital, on le garde, on s'arrête, on réfléchit et on le gère différemment. La question est vraiment là aujourd'hui. Alors par exemple, ici, je prends un exemple très simple, hein, les médicaments qu'on sort de la nature. Moi qui suis un marin, moi, j'ai pris simplement l'océan. On a 25 000 médicaments qui sortent de l'océan aujourd'hui, anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, immunosuppresseurs, facteurs de croissance, régénérateurs osseux. Tout ça, grâce à des éponges, 30% ça vient des éponges. Elles sont là depuis 700 millions d'années. Les éponges sont sur un fond d'océan, une fois qu'elles sont fixées, on l'avait vu, elles ne bougent plus, elles sont comme un arbre. Hein. Et depuis 700 millions d'années, elles sont agressées en permanence par l'environnement qui change. Et elles réagissent par l'élaboration très subtile de molécules qui les protègent de tout ce qui va se produire. Regardons-les, apprenons à les conserver dans le bon sens du terme, et on peut en s'en inspirer pour sortir des molécules d'intérêt. Ça sera les médicaments de demain. La guerre antibiotique, elle est perdue, la guerre au niveau d'antibiotiques. C'est d'écologie de base. Hein. Les bactéries vont beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Hein. On a des germes qui arrivent aujourd'hui à Paris, résistants à tout. Bactéries banales, hein, pseudomonas. J'ai montré la dernière fois l'aspect sur les staphylocoques fécaux. Hein. C'est des centaines de millions de dollars. Et on a perdu la guerre, en fait, à ce niveau-là. Il faut trouver autre chose. Et là, il y a énormément de diversité chimique, biologique, pharmacologique dans ces espèces. Des modèles pour la recherche. Metchnikov découvre la phagocytose. Il a le prix Nobel en 1908. Ce prix Nobel, il l'obtient grâce à l'étoile de mer. Charles Richet, prix Nobel à Monaco, j'en avais parlé dans la leçon inaugurale, il a le prix Nobel en 1913 pour sa découverte du choc anaphylactique à cause de venin de méduse sur des chiens. Von Warburg, lui, a son prix Nobel grâce à des travaux qui sont faits sur l'oursin, en particulier à Roscoff aussi d'ailleurs. Il montre pourquoi il y a un seul spermatozoïde qui rentre dans l'ovocyte et pas d'autre, avec les vagues de calcium qui se produisent par la suite. C'est grâce à l'oursin. Celui-ci est fabuleux. Hodgkin-Huxley fait un modèle mathématique dans les années 56-58. Ils ont le prix Nobel en 63. C'est la découverte de la transmission de l'influx nerveux. Grâce à un cadeau des dieux de la biodiversité. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Un nerf de Calmar, il est 1000 fois plus gros en section qu'un nerf humain. Ils découvrent, avec leurs micro-électrodes de verre de l'époque, comment se transmet l'influx nerveux avec des phénomènes de polarisation, dépolarisation, sodium, potassium, potassium, sodium, des éléments de l'eau de mer, vous vous en souvenez. Hein, mon sodium et mon potassium, quand je parlais de la sortie des océans il y a quelque temps. Candle, lui, travaille sur Alzheimer, il découvre les bases moléculaires de la mémoire grâce à une limace de mer. Timothy Hunt, ben lui, c'est simplement la découverte de la molécule clé du cancer. Le couple, on sait que ce sont deux molécules, cycline et kinase. Et pourquoi une cellule, à un moment qui ne devrait pas se diviser, prend une décision de se rediviser à nouveau? C'est ça, la cancérisation. Il découvre ça grâce à l'étoile de mer. Shimon Mura, ce sont les molécules de fluorescence de couleur verte, surtout, et quelquefois rouge, de méduses, inventées par des méduses il y a 700 millions d'années, et qui sont la clé de la compréhension de beaucoup de mécanismes dans les laboratoires de biologie moléculaire aujourd'hui. Et quand la méduse invente ça, il y a 700 millions d'années, elle ne pense pas qu'un jour, il y aura un humain qui aura besoin de son truc pour traiter dans ses laboratoires. Eh bien, l'humain va avoir l'intelligence d'aller chercher ça, effectivement, chez ces modèles particuliers. Et le trio Sostak, Bagman et Gwider en 2009, ils ont leur prix Nobel pour la découverte des mécanismes profonds du vieillissement avec le raccourcissement des télomères, avec l'enzyme télomérase, grâce à un truc qui vit dans les flaques d'eau et qui s'appelle tétrahyména. Imaginez si on m'avait dit à l'avance, pas moi, parce que moi je ne travaillais pas comme ça, mais il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'on garde dans la nature qui va rendre service à l'humanité? On est incapable de prévoir ça. Il faut tout garder, y compris les moustiques, c'est comme ça, et les puces. Et on verra effectivement ensuite comment gérer ces questions particulières. Alors là, ça pose la question, effectivement, comment est-ce qu'on protège? Réserve, milieu ou espèce, in situ, ex situ. On l'a abordé tout à l'heure. Alors sur les réserves, c'est clair qu'on a un projet mondial, 10% de l'océan mondial en réserve. Okay. Et puis sur les continents, on a fait des réserves partout. Alors réserves de tous ordres. Bon, moi, je ne suis pas un type qui aime la sanctuarisation. Je ne suis pas pour les réserves intégrales où personne ne va. Je suis pour un système où, effectivement, on a un accès soft, limité, intelligent, contrôlé, dans de bonnes conditions, à tous les types d'écosystèmes, pas les fermer entièrement aux humains. Ça veut dire que ça peut aller des réserves les plus strictes qui existent, un cœur de réserve effectivement sanctuarisé comme le cœur de la réserve de Bagnols-sur-Mer, dans les Pyrénées orientales, où on interdit même aux nageurs en surface de passer, jusqu'aux systèmes les plus ouverts possibles, les réserves par exemple du MAB, Man and Biosphere, où là vous avez des activités agricoles qui continuent, ou des grands parcs nationaux, régionaux. On peut tout imaginer en fait, faut voir un petit peu quel est le but qu'on s'est fixé. Milieu espèce. Bon, moi, je pense beaucoup plus pour les milieux que pour les espèces, parce que les espèces, ben, s'il n'y a pas de milieu, de toute façon, mais c'est un problème, vous allez voir tout à l'heure, c'est un problème de combat, de goût, d'opportunités qui peuvent varier. On a parlé in situ ex situ. Les biens communs qui nous entourent. L'humain arrive dans un système où il y a des biens communs partout. Et c'est Gareth Hardin qui disait « Traiter un bien commun comme un bien privé conduit à sa destruction ». C'est ça qui s'est... Les pêches, c'est typique. Ces biens communs, il faut les gérer collectivement. Si on les considère effectivement comme un bien privé, on va forcément à leur destruction. Donc des mentalités économiques et juridiques complètement différentes pour les conserver. Et ça pose la question du res communis, qui appartient à une rivière, par exemple, mais res communis, la rivière, elle n'est pas à quelqu'un. La Loire, ben, elle est là, on va en tirer. Les bords de la Loire peuvent être privatisés, mais la Loire elle-même au milieu, non. Et puis le res nullius, ça, c'est une catastrophe pour la pêche aujourd'hui, par exemple. Puisque là, vous avez un bien qui est ouvert à tous, qui n'appartient pas à quelqu'un, mais qui appartient à celui qui va le chercher. Ça colle pas. Rappelez-vous, mon thon rouge, l'autre jour, vendu à Tsukiji en janvier 2013, il y a un an, 1,28 million d'euros, un poisson. Le type, putain, il a cherché, il a gagné ça. C'est inconcevable. Il aurait pu être rémunéré normalement pour son poisson en fonction de l'argent qu'il a mis sur la table pour aller le pêcher, mais le reste, 99%, aurait dû être mis sur un fonds de protection des stocks de thon rouge, de travaux sur les stocks de thon rouge et de partage global. Ce thon rouge qui a rapporté cet argent-là est aussi bien à vous qu'à moi, qu'à ce monsieur qui est allé le pêcher. Et là, il faut absolument changer nos systèmes. Ça va demander des gros efforts. Notre économie doit vraiment s'adapter à des considérations différentes. Qui fonctionnait quand on n'était pas très nombreux, qui ne fonctionne plus à 7 milliards d'humains, dans des configurations absolument différentes aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on protège? Des cantonnements. À part les réserves, vous avez des cantonnements sur une zone, par exemple, de protection, de pêche, par exemple. Eh bien, vous cantonnez, ça veut dire que pendant 3 mois ou pendant 6 mois, vous empêchez de pêcher là. Et vous allez restituer donc les juvéniles de la zone protégée à l'ensemble de la pêcherie par la suite. Les quotas, on fixe un chiffre. L'Europe dit chaque année 300 tonnes de dorade à point jaune, et puis c'est comme ça, pas plus. C'est très difficile à contrôler, très difficile. Vous avez un cahier tous les jours, chacune qui est pêchée est déclarée, mais sur un cahier... Vous imaginez comme c'est facile à contrôler. Vous avez bien sûr une date d'ouverture. Ça, pour les chasseurs, ils connaissent bien. On ouvre tel jour à telle heure, on ferme tel jour à telle heure. On se met collectivement d'accord. Tous les ans, on a des conflits. Nous, les associations environnementales, avec les dates de chasse à loi blanche, on veut l'ouvrir encore une semaine plus tard. On chasse pas quand il y a de la neige partout. Il faut que le préfet prenne un décret, mais le temps qu'il prenne son décret, déjà, on a flingué pas mal de bestioles. Donc, c'est vraiment des questions en permanence qui sont ouvertes. Ensuite, donc, type et sélectionner des engins de pêche, ça c'est pour la pêche, hein, la taille des engins, le nombre d'hameçons, la taille des mailles de filet, on peut avoir plein de... Est-ce que c'est sélectif? Ça ne cible qu'une seule espèce et pas celle d'à côté. Donc tout ça est très très très important de bien sûr en mettre en évidence. Et tout ça simplement c'est pour une raison très simple, c'est pas pour embêter le voisin, hein. C'est simplement pour partager pour l'ensemble de l'humanité et faire que ces ressources qu'on appelle donc renouvelables le soient réellement. En stock de pêche, c'est assez effroyable, mais on a tellement pris sur certains stocks qu'on a dépassé les seuils de renouvelabilité. On exploite des poissons comme du zinc ou du nickel, que l'on sait fini à un moment donné. C'est totalement stupide. Moi, j'avais un principe qu'on m'avait appris quand j'étais gamin, quand je faisais mes cours d'halieutique. On disait, voilà, on ne pêche jamais un individu qui ne s'est pas au moins reproduit une fois. Ça paraît pas mal pour faire du biologique. Et quand on mange des civelles grosses comme ça, ben, elles risquent pas de s'être reproduites une fois, hein. Donc il faut bannir certains types de consommation aussi, bien entendu. Si vous mangez les saumons, à un moment dans les rivières françaises, on avait bouché toutes les rivières avec des filets qui allaient d'un côté à l'autre, je me rappelle les rivières bretonnes à l'époque, les saumons n'avaient aucune chance de passer au-dessus. Et on les prenait quand? Juste au moment où ils remontaient pour aller se reproduire. Terminé. On pêchait en France 3000 tonnes de saumons atlantiques. Vous vous rappelez, il y avait ces contrats agricoles qui disaient aux gens « On s'interdit de nourrir mon avrier agricole plus de 3 fois par semaine avec du saumon. » On est revenu à ça maintenant, mais pour des raisons d'élevage du saumon. Ça, c'est intéressant à regarder d'ailleurs. Hein. Et puis, on est tombé, quoi. Qu'est-ce qu'on faisait en France quand j'ai commencé à travailler sur le saumon au début des années 80, il y avait quoi, 80 tonnes de saumon sauvage en France. Aujourd'hui, le saumon sauvage dans le monde, c'est le saumon atlantique. Hein, c'est peut-être 3500 tonnes. Quand j'ai commencé à travailler, il y en avait 12 000 encore, et on produit presque 2 millions de tonnes d'élevage. On a tout changé. Le Français est devenu le plus grand consommateur de saumon au monde. Hein, vous mangez presque 2 kilos de saumon par Français par an. Alors qu'il y a... Réfléchissez un petit peu, on est la même génération souvent dans la salle ici. Hein. En 1980, le saumon, c'était un mets de luxe incroyable. Il n'y en avait pas. Donc tout change. Alors, l'UICN nous dit, voilà, les espèces qui ont disparu en 4 siècles, on en avait parlé. On dit environ 900 espèces. Je vais d'avoir les chiffres 2013, la revue. Et en mer, on n'a dit que 18, parce qu'en mer, c'est difficile, effectivement, de constater qu'une espèce a réellement disparu. Alors, une des plus célèbres en mer, je vous l'ai mise depuis, c'est la grande ritine de Steller, qui est une grosse vache marine, un gros lamantin, un gros dugong, qui vivait en mer de Bering et qui a été massacré. On la découvre, on la massacre en quelques dizaines d'années, on la mange, elle a disparu. Elle ne peut pas se défendre, hein. Elle s'en va. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on protège en espèces? On protège ce sur quoi on réagit, ce qui est sensible, ce qui est beau. Alors voilà, bien sûr, je serais le premier à être très malheureux s'ils partent, ceux-là. Hein. Mais c'est pas ça le combat, en fait. Hein. Le tigre de Sibérie, le panda, le loup, le grand condor, l'ours polaire, l'esturgeon européen en train de disparaître, c'est bien. La question, c'est que... De toute façon, ils me disent, de toute façon, si on ne défend pas ça, on n'aura pas de sous, de toute façon. Parce que si je me bats pour la puce des Bermudes ou le moustique des Galapagos, j'aurai pas d'argent. Donc, pour avoir de l'argent, du public, il faut des espèces avec des beaux cils et des beaux yeux bleus. Ah, ça plaît bien. C'est un aspect des choses. On protège des oiseaux et des mammifères. Alors, en fait, nous, on se bat pour le vrac. Hein. Et le vrac, c'est ça. On a même mis une puce, vous voyez, un peu. Hein. C'est ça, en fait. Parce que cette biodiversité, elle est utile partout. Enfin, utile. Il n'y a pas d'utile et de nuisible. La nature n'a pas inventé des espèces pour plaire aux humains ou pour les embêter. Ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. Le bout de nuisible devrait disparaître. Il n'a aucun sens écologique. Dans les manelles de chasse, il y a encore animal nuisible. Donc, je peux le tuer. Et je me rappelle un jour, je lisais un article du chasseur français de 1924 qui disait « Les rapaces, je suis là pour les exterminer parce qu'ils sont toujours, effectivement, toujours... Plus je les vois et plus je les extermine, quelque chose comme ça. » C'est terminé. On est sur autre chose, bien entendu. Et tout ça lié à une espèce qui est très prolifique. Ça, c'est ma plage à Banyuls. Hein. Au mois d'août dernier, vous voyez que les humains adorent s'agglutiner, s'agglomérer. Et on va économiser toute l'année pour venir se mettre le derrière ici dans l'eau. Et là, je vous avais déjà dit, hein, sans faire les mesures, j'imagine le niveau de streptocoque fécaux qu'on va retrouver dans la mer et des Escherichia coli. Chacun ses fantasmes. Alors, en plus, quelque chose qui paraît banal peut l'être pas du tout. C'est local ou global? C'est la vraie question en permanence. Et là, au niveau d'IPBS, IPBS, donc, c'est le système qui est monté mondialement aujourd'hui, équivalent du GIEC climat pour la biodiversité, et qui est en train de réfléchir en ce moment sur faut-il travailler localement ou globalement. Alors, quand on parle de biodiversité, on part forcément du local, ça c'est clair. Je travaille ici, dans ma forêt, à la Massane, sur mon estuaire de rivière, sur mon cours d'eau ici, ou comme ça, je pars de ça, et après, bien sûr, il faut que je tienne compte de ce qui se passe au niveau global. Et là, un exemple très précis qui va vous être très marquant. À la Massane, de fait, c'est la réserve de France, c'est la sixième réserve naturelle en France, 73, une des plus anciennes, et c'est le plus haut point chaud en Europe. Sur 337 hectares, on est rendu à plus de 7000 espèces vivantes répertoriées. Bon, si on avait fait le même boulot en Croatie, on aurait trouvé plus, mais on ne l'a pas fait. Donc 7000 espèces, c'est fabuleux, hein. Et pourtant, j'ai regardé cette forêt, les femmes de Collioure, vers 1830, venaient chercher du charbon de bois, on faisait brûler les arbres de la forêt, et on ramenait sur le dos de ces femmes le charbon de bois à Collioure. Vers 1870, on a les pollens, il n'y avait pratiquement plus de forêt. Et puis on s'arrête. C'est difficile, c'est dur, on ne fait plus ces métiers particuliers. Et on laisse la forêt revenir, et la chance qu'on a eue, elle n'a jamais été en fait, réutilisée par l'homme, parce qu'elle est difficile d'accès, il faut y aller là-haut. Et puis, on va donc, en 50-52, commencer déjà à la protéger. En 73, on intervient parce qu'il y a un projet de marina et de golf géant sur la frontière avec l'Espagne. On intervient, on arrête tout, et on fait une réserve naturelle de cette Massane. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ce lieu de si riche diversité sur un endroit où pratiquement il n'y avait plus d'arbres en 1870. Ça laisse de l'espoir, hein ? La nature a un pouvoir de retour. Mais ne dépassons pas les seuils de renouvelabilité. Hein, laissons-la se réinvestir, se réinstaller. Ne détruisons pas notre capital, bien sûr. Alors ça, c'est des fermes modèles en Normandie. Hein. Tout va bien, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on nourrit ces animaux avec du soja. Soja qui n'est pas fait en France. Il vient d'Argentine. L'Argentine est un très gros producteur de soja, souvent transgénique d'ailleurs, hein, qui va aller partout dans le monde. Et on va aller voir, nous, ce qui se passe. Quel est l'impact des vaches normandes nourries au tonneau de soja sur la biodiversité en Argentine? Ça change tout, bien entendu. Donc ça veut dire que quelque chose qui, chez vous, peut effectivement vous paraître extrêmement efficace, vertueux, harmonieux, ne l'est pas si vous allez chercher ailleurs de quoi alimenter votre système. Et quand je dis ça, souvent d'ailleurs au moment de la conférence de Paris, l'an dernier, je disais en fait, c'est bien de voir l'état de la France aujourd'hui, hein, faisons de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité, en tenant compte des impacts qu'on a aussi à l'extérieur. La France achète 100 000 tonnes de farine de poisson tous les ans, hein, pour faire des poulets, hein, chez nous. Le soja, on va l'acheter aussi ailleurs. Donc il faut y penser aussi constamment. Notre mode de vie, qu'entraîne-t-il en impact sur la diversité? Chez nous, bien entendu, mais aussi ailleurs. Alors ça, c'est un travail qu'on fait avec les gens des cosmétiques. On travaille beaucoup avec eux, parce que ce sont des gens qui sont très concernés par la biodiversité, parce qu'en fait, toutes leurs molécules, hein, viennent de la biodiversité. Alors de plantes terrestres ou d'organismes marins. Hein, les crèmes, alors moi j'ai discuté souvent avec eux, alors ils m'avaient amusé, puis ils m'avaient dit un jour, on a une cible nous, c'est la peau de la femme de 50 ans. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la peau de la femme de 50 ans, et j'ai regardé un petit peu, et c'est super intéressant parce qu'on arrive à retrouver effectivement dans le fonctionnement, alors les questions c'est nutrition, on est bien dans la biodiversité, c'est hydratation, c'est régénération, c'est protection. Alors, on est vraiment sur des choses qui sont en plein dans la question de biodiversité, et ça c'est fondamental, et toute l'évolution du vivant raconte cette histoire-là, en fait. Par exemple, les phases lipidiques et les phases aqueuses, hein, d'un produit pour la peau sont extrêmement importantes à regarder. Et ça s'est produit depuis les origines de la vie, ces questions de phases hydrophobes et hydrophiles dans les membranes biologiques. Vous voyez comment on peut tirer parti de connaissances fondamentales sur l'évolution du vivant pour tirer des choses qui peuvent être effectivement utiles à l'humanité. Alors vous me direz, les produits cosmétiques, c'est pas essentiel. D'accord. Mais tout un business qui est fait là-dessus, c'est pareil aussi pour les aspects nutritionnels. Alors maintenant, c'est comment est-ce qu'en allant chercher une petite fleur à Madagascar, ou en Corée du Sud, ou au Vanuatu, aux Aléoutiennes, on va être capable effectivement d'aller en tirer une molécule d'intérêt pharmacologique ou cosmétique, sans détruire la plante en question, et bien sûr en ramenant aux populations autochtones à laquelle elle appartient, cette plante, des revenus et des profits qui soient effectivement les plus légitimes possibles. Alors en France, on a inventé un truc récemment qui s'appelle la trame verte et bleue, trame verte, trame bleue. On s'est dit, voilà, pour que cette biodiversité, Bruno a beaucoup parlé tout à l'heure du morcellement, qui est un gros problème, le morcellement, effectivement, eh bien on fait des trames. Trame verte, c'est par la nature, hein, trame bleue, c'est par la nature aquatique, le terrestre et l'aquatique. Donc vous avez un petit schéma qui a été sorti ici au ministère de l'Écologie il y a quelques années, où il nous montrait effectivement que on allait sur un système de bocage, avec de l'agriculture, avec un petit peu encore de forêt, de bosquets, avec des mares, un bord de mer, des marais sur le rivage, on allait réinstituer un système de continuation écologique par l'eau ou par la terre. Donc ça a été beaucoup, beaucoup travaillé. Et on a montré ici sur un très beau travail en nature il y a quelques années ici, les oiseaux ici, qui justement les morcellements au niveau des terres agricoles avaient des impacts très forts sur les populations d'oiseaux. Hein. Ça s'est fait en voie de développement et en pays développés. Les impacts sont très forts, effectivement, donc de disparition d'espèces, des oiseaux, encore une fois ici, liés au morcellement. Alors bon, s'est mis en place. C'est très facile à expliquer sur le papier, c'est très difficile à arriver sur le terrain. Hein, il y a le monde agricole se pose vraiment des questions que je comprends parfaitement. Hein, comment je fais? Je dois laisser un mètre sur le bord de ma rivière. Comment je traite ici? Je traite pas là. Il y a une vraie réflexion globale. On a fait des schémas d'aménagement, des SCOT, hein, où les gens réfléchissent, ou comment on maintient des continuités, parce qu'on passe sans arrêt de scènes qui sont privées, qui sont publiques, c'est pas simple. L'idée n'est pas inintéressante, mais très difficile à mettre en place, effectivement. Et cette image, j'aime beaucoup. C'est un saumon en Alaska qui revient, en fait, à sa rivière pour se reproduire. Il a beaucoup plu. Et là, ça a débordé. Les saumons sont tous là. Et il se dit, la prochaine fois, j'essaierai la trame verte à la place de la trame bleue, en fait. Hein. Il est rendu sur la route, mon pauvre saumon, là. Il faut qu'il trouve sa route pour rentrer chez lui. Alors, pour terminer, donc, dans toutes ces connaissances et ces perceptions, c'était le moment de placer ça un petit peu. Donc, à quoi sert un grand musée d'histoire naturelle? Parce qu'on se dit souvent, vous savez, c'est ringard, vos musées, là, c'est des trucs, on va avoir des collections, c'est poussiéreux, il y a des vieux fossiles, on paye des types pour aller regarder comment vivait la mouche il y a 50 millions d'années. Bon. On a des remarques comme ça tous les jours. Hein. Quelqu'un a encore dit récemment, je ne vous dirai pas qui, j'en ai rien à faire de la façon dont est mort l'homme préhistorique, s'il est mort de chaud ou de froid. Ça veut dire quand même que si on ne regarde pas comment ça s'est passé il y a quelque temps, je parle aux 2000 ans écoulés, hein, on risque le mal de prévoir ce qui va se passer demain pour nous. Et croyez-moi, il va être très impactant, ce changement climatique. Nous, on a quelques mots-clés qui sont biodiversité et géodiversité, évolution, adaptation, impact du changement global. Et tout ça, en fait, toutes ces collections nationales, c'est à peu près 70 millions d'objets, le muséum à Paris, sont là pour une meilleure compréhension du passé, de la gestion du présent et de la prévision de l'avenir. Ce sont des nanosimes très sophistiqués. Avec ce matériel, on est capable, sur un silex de 2 000 millions d'années, de retrouver une cellule isolée ou de calculer une température de l'eau de mer de l'époque ou un contenu en oxygène de l'eau de mer ou un contenu en gaz carbonique. Donc on a des précisions sur les climats du passé assez exceptionnelles. Alors ces collections, c'est 140 collections à Paris au Muséum pour 12 sites. Et c'est à peu près 70 millions d'objets qui peuvent être l'herbier national, par exemple, des insectes, des dessins, des peintures, des animaux naturalisés, des minéraux, des restes humains, bien sûr, hein, ça peut être tout ce que vous voulez. Tout ça fait partie, effectivement, des collections nationales qui sont là pour nous permettre, effectivement, d'avoir une bonne connaissance du passé, d'établir l'actuel. Hein, on est le musée dépositaire en France des espèces qu'on va décrire. Hein, donc le muséum, c'est presque 1 million de types hein, déposés à Paris sur un peu plus de 2 millions d'espèces connues. Et puis c'est aussi, bien sûr, les modèles aujourd'hui utilisés pour qu'on essaie de prévoir un petit peu mieux l'avenir. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Gilles Boeuf, titulaire de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours consacré à la biodiversité. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous. Thank you. Thank you.